J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Papa, t'as dans son cœur. Pas de saison.